Chapitre 3e. Les choses en restèrent là. Une dizaine de jours plus tard eut lieu la foire de Forcalquier. Garcin s'y rendit en curieux, pour voir les nouvelles machines mécaniques qui le faisaient rêver, mais qu'il ne pouvait bien sûr se payer. Il fut déçu de ne pas y voir Hortense. Au détour d'une allée, on l'interpella dans son dos. « Hola, sergent Garcin, vous me ferez 15 pains pour vous apprendre à panser un cheval correctement ?» Il se tourna et écarta les bras de surprise. « Oh, pauvre Séraphin, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu n'es pas un toll ?» Le dit Séraphin, grand stockfish au regard chafouin, se leva du banc où il était assis en ondulant un peu comme un serpent. Il étreignit les mains de Garcin, visiblement heureux de le revoir. « Je suis venu me mettre au vert. Eh oui, tu me connais, j'ai pas changé. Une affaire a mal tourné à Marseille. » Et un couillon de bijoutier voulait me faire la peau. J'ai dû me défendre et lui ai filé un méchant coup de stache dans la cuisse. Il n'est pas mort, mais le climat était devenu malsain pour moi. J'ai décidé de prendre du champ. L'air de la campagne, c'est bon pour ce que j'ai, ricana-t-il. Et toi, Eugène? Moi, toujours pareil, je laboure, je sème, je récolte. Mais les sous ne poussent pas aussi vite que le blé, malheureusement. Et toi, tu vis de quoi, dis? Je bricole, répondit Séraphin évasivement, en tapotant la poche de son veston. « Je travaille sur commande. Discrétion, efficacité et prix modéré. » Là-dessus, il partit d'un grand rire de gorge qu'il termina par un beau crachat. « Où peut-on te trouver en cas de besoin, Séraphin ?»« Au café, en face de l'église. Mais ne m'adresse pas la parole devant témoin. Prends une consommation, et je saurai que tu veux me voir, puis viens m'attendre sous la porte cochère au sortir du village. Plus bas, sur la route de Manne. » Pigé. Là-dessus, il toucha son béret en guise de salut et s'éclipsa. Quand il eut disparu, des tas d'images revinrent à l'esprit de Garcin. Il se revit en uniforme, repensa à la mort injuste de son père, entrevit deux grands champs de blé ondulant au soleil, des récoltes abondantes, du grain coulant à flots comme de l'or. Depuis 15 jours, Hortense n'avait pas franchi la porte de sa chambre. Profitant que son père ronflait, elle faisait ses affaires la nuit, enjambait la fenêtre et mangeait les légumes du potager à même les plants, chipant des œufs qu'elle gobait crus. Meffre ne décolorait pas. De temps à autre, il frappait des coups sourds contre la porte en rugissant. « Oh, nom de Dieu, je crèverai cette porte et toi avec, carogne. Je vais tout vendre, tu te retrouveras comme une andouille. Tu me fais gonfler la tête, saleté. Foutez-moi le camp !» rugissait Hortense à travers la porte. Un matin, une vieille gardeuse de chèvres vint à passer par la ferme de Meffre. Un foulard effiloché sur la tête, la face grise de crasse, les dents noires, le menton poilu, tout recroquevillé, elle donnait tellement le frisson que ses chèvres étaient plus agréables à regarder qu'elle-même. Je passais par là et je me suis dit que je vous demanderais l'autorisation d'emprunter votre chemin en même temps que je vous donnerais le bonjour, dit-elle à Meffre d'une voix chevrotante. « À mon âge, j'aime bien prendre des raccourcis. »« Passe donc, la vieille. Mais attention, plus bas j'ai de jeunes amandiers. Prends garde que tes chèvres ne me les broutent. » La vieille puait si fort que Meffre en sentit le fumet à 3 pas et se garda bien de l'approcher. Elle posa son menton sur son bâton pour se reposer. « On m'a dit que vous aviez bien du souci avec votre fille, père Meffre, » glissa-t-elle matoise. « Tout le monde est au courant ?» C'est à cause de ce couillon de curé. Ah, ne m'en parle pas. Ma fille est plus testarde que tes chèvres. Tu parles. Elle a de qui tenir, soliloqua la vieille à voix basse. Puis, plus fort, elle déclara. J'ai l'habitude de parler à mes chèvres et elles me comprennent. Elles finissent toujours par m'obéir. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas avec votre fille, père Meffre. Laissez-moi lui parler, vaille. Je la convaincrai. T'es, eh ben vas-y. « Puisque tu te crois plus maligne. Elle s'appelle Hortense, et la porte de sa chambre est à droite dans la maison. » Meffre n'était pas fâché de faire ce cadeau puant à sa fille. Il en riait déjà. La vieille pénétra à l'intérieur, suivie d'une de ses chèvres, et toqua à la porte. « Hortense, ouvre-moi, ma belle, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je peux t'aider. Fais-moi confiance. »« Je ne te connais pas, la vieille. Passe ton chemin et fiche-moi la paix. » brailla Hortense à travers la porte. Dépitée, la vieille ressortit sous le regard narquois de Meffre. déjà dehors ? Ironisa Mèvre. Tu n'es pas au bout de tes peines, la vieille. J'aurais peut-être plus de chance à la fenêtre. Il faudrait qu'elle me voie. Oh, pauvre, pensa Mèvre. Alors là, pour le coup, on va rire. Elle va se prendre le pot de chambre sur la tête. Vas-y, vas-y, sorcière, repartit le vieux, très amusé. La bergère se dirigea sur le côté de la bâtisse où se trouvait la fenêtre basse de la chambre. Mèvre la perdit de vue et n'entendit plus rien. Une dizaine de minutes plus tard, elle reparut et se mit à rassembler ses chèvres. « Et voilà, dit-elle, c'est fait. Dans la soirée, vous la verrez reparaître et elle reprendra sa place au foyer. « Comme ? Tu te fous de moi ? Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Une sorcière a toujours des secrets, répondit la vieille. « Vous verrez bien si elle sort ou pas. » C'est ça. Allez, bon vent, va puis ailleurs, lança Mèvre pour tout remerciement. Et la vieille, à coups de « bé, bé », rassembla son troupeau et descendit le chemin. Mèvre fut tout surpris quand, vers 7 heures du soir, Hortense sortit de sa chambre et se rendit au potager. Elle revint avec quelques légumes pour faire une soupe. « Allez chercher des œufs, commanda-t-elle à son père. À table, assise en face de Mèvre, Hortense mangeait bruyamment sa soupe sans regarder l'assiette, ne perdant pas de vue son père dont elle suivait tous les mouvements, comme un chien fixe son maître. Le manège recommença pour l'omelette aux herbes. Mèvre s'en aperçut vite et fulmina. « C'est ça qu'elle t'a dit de faire, la vieille ? Mauvaise va. On dirait une poule qui a trouvé un couteau. Tu ne m'as jamais vu ? Tu cherches à m'hyptoniser ? » ?»« Pas besoin. C'est plutôt vous qui m'endormez, » répondit Hortense. Son regard était empli de curiosité, comme si, surprise, elle observait un animal bizarre et inconnu.